الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui c'est quel cours? 28e cours du kitab Fi'ata su'alin wa jawabin fil aqidah, 200 questions et réponses dans la croyance. Et en ce moment on est en train d'étudier en détail les piliers de la foi, Arkanul Iman. Et on est en train d'étudier particulièrement lequel pilier? Younous. Al-Iman ou Bilyom al-Akhir. Wa muta'allaqatuhu. La foi au jour dernier et toutes les choses qui sont en relation avec la foi au jour dernier. Qu'est-ce qui peut un peu me parler de la foi au jour dernier? Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui se passe après la mort. Ça, c'est de manière globale. عموماً أو جملة الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. De façon globale, c'est de croire à tout ce qui va arriver après la mort. Et maintenant, si on veut cerner la foi au jour dernier dans certains points particulièrement, qu'est-ce qu'on va dire, Mohamed? البعث. نعم. الحساب et الجزاء. هذا هو. Si on veut le cerner, on va dire al-iman bil yawm al-akhir yatadammanu thalathata umur. La foi au jour dernier comprend trois choses. La foi en la résurrection, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous ressusciter à partir des tombes, à partir du coccyx, ajbu dhanab, comme le prophète alayhi salam a dit, tout le corps va s'effriter et va disparaître et restera le coccyx à partir duquel il va se reconstituer lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber une pluie qui ressemblera aux spermatozoïdes de l'homme. Cette pluie va tomber pendant 40 jours, ensuite les gens vont sortir de leur tombe, leurs corps seront totalement reconstitués sans que les âmes y soient revenues. Et lorsque Israfil alayhi salam soufflera dans la trompe, les âmes reviendront. Et comme Allah a dit, فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ. Et les voilà debout à regarder. La deuxième chose, c'est la croyance au jugement. Car Allah tabaraka wa ta'ala يَبْعَثُنَا حَتَّى يُحَاسِبَنَا. Il nous ressuscite afin qu'on lui rende des comptes et afin de nous juger. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمُ الْحِسَابِ. Il a parmi les noms qu'il a choisi pour nommer ce jour, le jour du jugement. Troisièmement, al-iman bil jaza wa huwa al-jannatu lil muttaqin wa an-nar lil 'usat wal kafirin. Troisièmement, c'est la foi en la rétribution qui est le paradis pour les pieux, l'enfer pour ceux qui mécroient et pour les croyants qui vont d'abord entrer en enfer pour payer leurs péchés, puis après ils en sortiront et termineront au paradis. Ensuite, on a vu que il y a beaucoup de choses qui vont se passer à partir de la mort jusqu'à la fin, qui sera l'entrée au paradis ou bien l'entrée en enfer. Il y a beaucoup d'étapes et on est en train d'étudier quelques-unes de ces étapes en détail. Et dans les jours passés, après qu'on ait parlé de la mort et des questions qui seront posées à chaque personne après son enterrement, après qu'on ait parlé également de la résurrection à partir des tombes, al-ba'ath min al-qubur, on a parlé aussi d'un nafkhu fis-sur, le soufflet dans la trompe. Combien de fois qui va souffler dans la trompe? Israfil. Hein? Israfil. Combien de fois il va souffler? Deux fois. Il va souffler deux fois. Taïb. Est-ce que tous les savants sont unanimes? Non. Ils sont tous d'accord? Non. Qu'est-ce que tu m'expliques, Younous, sur ça? On t'avait dit la dernière fois que les savants ont divergé. Certains disent deux fois, et certains disent trois fois. Les savants, ils ont divergé. Il y en a qui pensent ou qui voient que Israfil va souffler trois fois. D'autres qui voient qu'il va souffler deux fois. Ceux qui voient qu'Israfil va souffler trois fois, ils se basent sur quoi comme preuve? Un verset? Deux versets. Le premier, Allah Azza wa Jalla dans sourate An-Naml, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِلِينَ أَوْ دَاخِرِينَ يعني مُهَانِينَ. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit: et le jour où on soufflera dans la trompe, Allah Azza wa Jalla dit: et le jour où on soufflera dans la trompe, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront pleins de terreur, seront jetés dans l'effroi, dans la peur totale, sauf ceux qu'Allah a acceptés. C'est-à-dire qu'il y en a que Allah Azza wa Jalla va préserver de cette peur. Et on rentre pas dans la question qui Allah va préserver. On est en train de parler qu'Allah Azza wa Jalla ici nous a dit qu'on soufflera dans la trompe. Pour l'instant, vous avez entendu combien de fois ici, dans ce verset? Une seule fois. Qu'est-ce que ce soufflet dans la trompe va causer? ماذا يسبب هذا النفخ في الصور؟ يسبب الفزع. Il va causer l'effroi ou la peur, la grande peur. Le deuxième verset est dans sourate Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla a dit: وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit: et on soufflera dans la trompe, alors ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah a accepté. Puis on y soufflera une deuxième fois, et les voilà debout à regarder. Combien de fois on a parlé de souffler dans la trompe ici? Deux fois. Qu'est-ce que le premier soufflet va causer? Le foudroiement. Duquel va découler la mort. Le foudroiement, ça appelle l'ilmaut. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va causer? النفخ الثاني ماذا يسبب؟ البعث. Il va causer la résurrection. Donc, si on prend les deux versets, combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'on soufflera dans la trompe? Trois fois. Donc, les savants qui voient cet avis-là, comme Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ils se basent sur ces deux versets. Et ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'faza' et ensuite de sa'aq. Wa al-faza'u ghayru sa'aq. Il a dit qu'Allah azza wa jalla a parlé de la peur, l'effroi, la peur terrible ou la crainte. Et dans l'autre verset, quand il parle du soufflet, il a parlé du foudroiement. Donc il a dit, il est clair qu'il y aura une fois, on soufflera dans la trompe et ce soufflet va causer la terreur dans les cœurs de tout le monde, sauf ceux qu'Allah a protégés. La deuxième fois, Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner à Israfil encore de souffler et alors tous les gens seront foudroyés. Et la troisième fois, Israfil soufflera à nouveau dans la trompe et alors les gens seront ressuscités. Et ils se sont basés aussi sur un hadith qui est connu, qui s'appelle hadith al-sur al-tawil. C'est un long hadith dans lequel on parle de ce qui se passera jugement dernier et plus particulièrement du soufflet dans la trompe, mais il est jugé faible ce hadith par l'imam al-Albani rahimahullah. Les autres qui voient qu'on soufflera que deux fois dans la trompe ont dit que lorsqu'Allah azza wa jalla nous a parlé de la terreur et dans l'autre verset du foudroiement, en vérité c'est un seul et même soufflet, nafrun wahid yusabbibu al-faza' wa hadha al-faza' yuaddi ila sa'q al-maut. Ils ont dit que ce soufflet, il va causer la peur. Dès que les gens vont l'entendre, ils vont tous être pleins de terreur. Ils vont être terrifiés. Ensuite, à cause de cette terreur, ils vont être foudroyés, ils vont mourir. Quelques temps après, ils vont en mourir. Donc, ils sont morts à cause d'un seul soufflet. Et le deuxième, c'est avec lequel ils seront ressuscités. Et ça, c'est l'avis de l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son livre Tadhkira. Dans un livre dans lequel il parle des choses qui se passent après la mort. Et aussi ils ont pris pour preuve le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّور, puis on soufflera dans la trompe. Il dit ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي فعل هكذا. الليت هو صفحة العنق. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit aucun d'eux n'entendra ce soufflet sans pencher la nuque pour chercher à savoir d'où le bruit vient. Ensuite il dit وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. Et la première personne à entendre le soufflet dans la trompe est un homme qui s'occupera du bassin avec lequel il donne à boire à ses chameaux. Il dit فَيَسْعَقُ ثُمَّ يَسْعَقُ النَّاسِ. Il sera alors foudroyé et les gens après lui seront aussi foudroyés. Il dit ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أو ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا أو ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلْ أو قال الظِّلْ. وهذا الشك من الراوي والصحيح الطل والله أعلم. Puis le prophète alayhi salam dit puis Allah enverra ou fera descendre une pluie semblable al-tal. Al-tal c'est le crachin. Al-tal huwa al-matar al-sirar al-sirar al-qatar al-da'im. En français on appelle ça le crachin, c'est la pluie qui tombe, elle est fine et elle tombe en continuité, elle est constante. On peut dire l'averse par exemple ou ala kulli hal. فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Après cette pluie, et dans l'autre hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit qu'elle est semblable aux spermatozoïdes de là. Il dit ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَمَنِيِّ الرِّجَالِ. Puis Allah fera descendre ou fera tomber une pluie semblable aux spermatozoïdes de l'homme. Ensuite, les corps des gens enterrés repousseront et se reconstitueront à partir de cette pluie. Et puis on soufflera une autre fois et les voilà debout à regarder. Combien de fois vous avez entendu qu'on soufflera dans la trompe? Deux fois. Et ce hadith il est rapporté par Muslim. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah il dit que on soufflera deux fois dans la trompe. Après avoir parlé ça, on a parlé de al-hashar, on a parlé du rassemblement, car les gens seront rassemblés le jour du jugement dernier. Où est-ce que les gens vont être jugés? De Adam jusqu'au dernier, où le jugement aura-t-il lieu? Sham, dans une terre qui se trouve au Sham, dans la région du Sham, qui est vers la Syrie, la Palestine, à peu près vers là-bas. Taïb. Et c'est là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens. Et c'est là-bas que le rassemblement aura lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقٍ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا. Et ensuite dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens seront ressuscités sur trois voies. Pardon, les gens seront rassemblés sur trois voies. Il y aura donc trois catégories de personnes qui se dirigeront vers Ard-Sham. Il y aura trois catégories de personnes qui iront vers cette terre-là. Et ici, on est en train de parler du rassemblement fit dunya. On n'est pas en train de parler du hashr. La natakallamu an al hashr alladhi yakunu fi بعد الفصل بين الناس يوم القيامة. Nous ne sommes pas en train de parler du rassemblement qui aura lieu après le soufflet dans la trompe le jour dernier. On est en train de parler du fait que les gens vont être rassemblés dans ce bas monde avant de mourir. Et c'est le dernier signe de la fin des temps. Comme l'imam Ibn Hajar rahimahullah et Nawawi rahimahullah ont dit, le dernier signe de la fin des temps, c'est le feu qui sortira, un grand feu qui sortira de la ville de Aden au Yémen et qui poussera les gens vers la terre où ils seront ressuscités, ou pardon, où ils seront jugés. Cette terre se trouve dans la région du Shem vers la Syrie. Et le prophète alayhi salam dit que les gens seront rassemblés dans cette terre-là avec trois voies. Donc il y aura trois catégories de personnes. Et on a dit que c'est Al-Muqarrabun, les rapprochés, qui sont les gens au paradis dans les plus hauts degrés, Atqanas, Al-Anbiya, Thumma Al-Amthal, Fal-Amthal, les messagers et ceux qui les ont suivis, ceux qui sont comme eux. Ensuite, Ashabul Yamin, les gens de la droite. Ensuite, Ashabul Shimal, les gens de la gauche. Comment ce rassemblement va-t-il avoir lieu? Le prophète alayhi salam nous dit: quant au premier groupe, les pieux, les plus pieux, les muqarraboun, les rapprochés, il nous dit raribun rahibun yarghabun fi rahmatillah yatma'un fi rahmatillah wa yarhabun min adhabillah, yani rajun khaifun. Ces gens-là, ils se dirigeront vers la terre du Shiam, dans la terre du jugement, plein d'espoir pour la miséricorde d'Allah et de peur pour le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالنَّارْ لَا تَحْشُرُهُمْ هَؤُلَا. Ces gens-là ne vont pas être rassemblés dans cet endroit par le feu qui sortira du Yémen, de Adan. Ces gens-là iront de leur plein gré. يَذْهَبُونَ إِلَى الشَّيَمْ بِخْتِيَارِهِمْ. Ils vont aller au Shiam بِخْتِيَارِهِمْ, de leur plein gré, avant que le feu ne sorte. Parce que le prophète, alayhi salam, dans un hadith qui a été rendu authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah, a dit que satakunu hijratun ba'da hijra wa khiyaru ahli al-ard alzamuhum mahajira ibrahim. Il dit il y aura une immigration après une autre vers la fin des temps. Les gens, ils vont changer d'endroit pour vivre, et les meilleurs des gens sont ceux qui resteront vers la terre où a immigré Ibrahim. Ibrahim a immigré vers la terre du Shem, l'endroit où les gens seront jugés. Il dit wa shiraru ahli al-ard, et les pires gens de la terre ce jour-là, j'ai oublié la suite du hadith. Ce qu'on retient, c'est que il restera les pires gens. Le prophète alayhi salam a dit fama ta'muruna, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Et les compagnons ont dit au prophète alayhi salam, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Parce qu'il a dit, pardon, que les pires de gens sont ceux qui seront repoussés par le feu qui sortira du Yémen pour les pousser jusqu'au Shiam. Et le prophète alayhi salam leur a dit à ce moment-là, allez au Shiam, c'est-à-dire allez au Shiam avant que ce feu ne sorte. Donc les sahaba radiyallahu anhum ont été prévenus par le prophète alayhi salam qu'un feu va sortir et va pousser les gens, et il leur a dit allez au Shiam, allez-y. Et donc c'est ces gens-là, ils vont y aller avant que le feu arrive. Les premiers, c'est le muqarrabun, ils vont y aller, ils seront à l'aise. Les deuxièmes, c'est ashabul yamin, les gens de la droite, les gens du paradis, mais en dessous des premiers dans les degrés. Ces gens-là, ils iront en chameau, et ils se feront passer un seul chameau à 2, à 3, à 4 et à 10. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans une époque où il n'y aura plus beaucoup de chameaux à acheter. Alors ils se prêteront un chameau à 10, à 4, à 3, à 2, etc. Et ceux-là, c'est les gens de la droite. Après eux, donc eux, ils iront au Shiam, vers la Syrie, avant que le feu ne sorte du Yémen. Et après eux, il y aura les pires des gens, qui sont les gens de la gauche, les gens de l'enfer, al-kuffar, les mécréants. Ceux-là, c'est le feu qui va les pousser. Pourquoi? Ils vont rester dans les endroits ou dans les pays où ils vivent, jusqu'à ce que le feu sorte de Adan et les repousse. Celui qui ne veut pas avancer va être brûlé par le feu. Donc ils seront obligés de se diriger vers la terre du jugement. Et le feu les accompagnera au matin, au soir et pendant leur sieste. Ils ne pourront jamais faire marche arrière. Donc ça, avec ça, on comprend qu'est-ce que le prophète alayhi salam veut dire quand il dit que les gens seront ressuscités ou rassemblés sur trois routes: les rapprochés, les gens de la droite et les gens de la gauche. Donc ceux qui seront repoussés par le feu, ce sont les gens de l'enfer, les mécréants. Et dans le hadith qui est rapporté, qui est authentifié par l'Albani rahimahullah, le prophète alayhi salam a dit tahshuruhum an-nar ma'al qiradati wal khanazir wal a'udhu billah. Il dit le feu va les rassembler là-bas, va les amener en Syrie avec les singes et les porcs. Wal a'udhu billah. Après avoir parlé du rassemblement, on a parlé de la scène dans laquelle les gens se tiendront debout devant Allah, ou plutôt le jour avant que le jugement ne commence. Les gens se tiendront debout et ils attendront qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence leur jugement. Allah tabaraka wa ta'ala nous a décrit dans le Coran comment se passera cette scène et comment elle se déroulera. Il nous dit que c'est ce jour-là ils auront les regards figés. Allah dit wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Ne crois pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ay tartafa'u fihi al-absar wala tankhafid. Il dit mais Allah ne fait que de leur accorder un délai, de leur laisser du temps jusqu'à un jour où les regards seront figés, les yeux seront en l'air et ne bougeront plus. Il dit muhti'ina muqni'i ru'usihim muhti'ina ay musri'in ila man yad'uhum li ard al-mahshar li ard al-hisab aw lil hisab. Ils vont se précipiter lorsque l'ange va les appeler à comparaître devant Allah. Ils vont se précipiter à répondre à l'appel. Muqni'i ru'usihim, ils auront les têtes levées. La yartaddu ilayhim tarfuhum, leurs paupières ne se refermera pas, ils ne regarderont ni à gauche ni à droite, ils seront figés. Wa afidatuhum hawa, qulubuhum khaliya illa fi anna fiha al-khawf min Allah azza wa jalla. Et leurs cœurs seront vides de toute chose, ils ne penseront à plus rien d'autre que ce qui va leur arriver quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi décrit comment va se passer cette scène dans plusieurs hadiths. Il nous dit yaqumu ahaduhum fi rashahihi ay fi 'araqihi ila ansafi udhunayhi. Le prophète alayhi salam nous dit l'un d'entre eux se lèvera dans sa transpiration et elle atteindra ses oreilles, la moitié de ses oreilles. Et on sait que le soleil va descendre tellement bas que les gens vont se mettre à transpirer. Ils vont transpirer tellement fort que le prophète alayhi salam a dit ya'raqu an-nasu yawm al-qiyamati hatta yadhhab 'araquhum fi al-ardi 70 dhira'a. Les gens transpireront le jour du jugement dernier jusqu'à ce que leur sueur atteigne dans la terre 70 coudes, c'est-à-dire 35 mètres. Tellement les gens transpireront, la sueur va rentrer dans la terre à 35 mètres de profondeur. À 35 mètres de profondeur. Ensuite, il nous dit وَيُلْدِمَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَذَانَهُمْ. Et cette sueur aussi va monter dans leur corps jusqu'à atteindre leurs oreilles à cause de leurs péchés. Et ce jour-là, en fonction des péchés et des bonnes actions des gens, ils transpireront jusqu'aux chevilles ou aux genoux ou aux clavicules ou aux oreilles à cause de leurs actions. Ensuite, on a vu صِفَةُ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ. On a vu la description du jugement et on a vu que le hisab yanqasimu ila hisab yasir wa hisab asir. On a vu que le jugement se divise en deux, le jugement difficile et le jugement facile. Qu'est-ce qui peut me rappeler c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Ma huwa al hisab al yasir, ma huwa al hisab al asir. Le jugement facile, c'est le jugement du croyant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va rapprocher le croyant de lui jusqu'à le couvrir d'un voile et il va lui faire avouer tous les péchés qu'il a fait, mais sans que personne ne l'entende et sans débattre avec lui. Allah va juste lui dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et il répondra oui j'ai fait, oui j'ai fait, oui j'ai fait. Il va penser qu'Allah va le détruire et Allah azza wa jalla va lui dire inni satartuha laka fid dunya wa ghafiruha laka al-yawm. Je te les ai cachés dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Et c'est le jugement facile au sujet duquel Allah azza wa jalla nous dit fa amma man utiya kitabahu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main droite, il aura un jugement facile. Quel est le jugement facile? C'est le fait qu'Allah lui dira tu as fait ça, tu as fait ça. Il avouera, mais Allah ne va pas le punir, il ne va pas rentrer dans le débat avec lui. Et le jugement qui est difficile, c'est le jugement dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala yafdahu al-insan amam ru'us al-khala'iq. Allah va dévoiler ce serviteur devant toutes les créatures, des premiers jusqu'au dernier. Il va les dévoiler et ça yahsulu niqash wa muhaqaqa tahqiq, et il va avoir lieu un débat et une forme de muhim, il va avoir lieu un débat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, tu as été là-bas, pourquoi tu as été là-bas, alors que l'autre il ne lui a pas dit ça pour le jugement facile. Et donc celui-là il aura des comptes à rendre. Et c'est de celui-là que le prophète alayhi dit man nuqish al hisab udhib. Celui à qui on va débattre dans son jugement sera châtié. Après cela, on a vu que les gens ils vont recevoir leur livre, car on sait que كل عمل تعمله يسجل عند الله عز وجل في صحيفة أو في كتاب أو في ديوان. هذه الأسماء شرعية, الديوان والكتاب والصحيفة. On sait que tout acte que l'on fait est enregistré chez Allah عز وجل dans un livre, un feuillet ou un registre. C'est ce que les anges écrivent. Et le jour du jugement dernier, chacun va recevoir son livre et va lire tout ce qu'il a fait. Il ne pourra plus se cacher. Il ne pourra plus dire non, je n'ai pas fait ça, ce n'était pas moi. Tout ce qu'on a fait du début de notre vie jusqu'à notre mort sera écrit dans ce livre. Nasallahu an yarhamana yawma idin. On demande à Allah de nous pardonner, de faire miséricorde ce jour-là. Et les gens le recevront dans la main droite et d'autres dans la main gauche. Et Allah, dans un autre verset, nous parle de gens qui vont recevoir leur livre dans leur dos. Et on a expliqué la semaine dernière que les savants, ils ont divergé. Certains ont dit, on va donner le livre dans la main droite et dans la main gauche, mais ceux qui vont prendre le livre dans la main gauche, leur main sera derrière le dos. Leur main sera derrière le dos. Les autres savants ont dit, on va recevoir le livre soit dans la main droite, soit dans la main gauche, ou soit derrière le dos. Ceux qui ont dit qu'on va recevoir le livre dans la main droite ou dans la main gauche, la main gauche derrière le dos, ils ont dit ceux qui recevront le livre dans la main droite sont les croyants, et ceux qui recevront le livre dans la main gauche derrière le dos, ce sont al-kuffar, les mécréants. Et les autres, ils ont dit, ceux qui recevront le livre dans la main droite, ce sont les croyants les plus pieux, al-mu'minun, les plus pieux. Ceux qui vont recevoir le livre dans la main gauche sont al-mu'minun, lakin alladhina waqa'u fi dhunubin lam yatubu minha. Ceux qui ont fait des péchés parmi les croyants desquels ils ne se sont pas repentis. Et ceux qui recevront leur livre derrière le dos sont al-kuffar. D'autres ont dit, ceux qui recevront le livre dans la main droite sont les croyants, dans la main gauche, al-munafiqun, et dans le dos, les kuffars. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retient, c'est qu'on va recevoir un livre dans lequel toutes les actions sont écrites. Ce livre-là, il sera donné dans la main droite ou dans la main gauche. Et certains ont rajouté derrière le dos. Mais ce qu'on retient ici, c'est qu'on va recevoir, chacun va recevoir son livre. On a vu la description de ça dans le Coran, et maintenant on va entrer dans la question 120. As-su'al al-ishrun ba'd al-mi'a, ma dalilu dhalika min as-sunnah. La question 120, quelle est la preuve de cela dans la sunnah, c'est-à-dire dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-jawab fihi ahadithu kathira. La réponse, il y a beaucoup de hadith. Minha qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف ربي أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفر لها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. Donc, parmi les hadiths qui nous parlent des livres dans lesquels on va prendre dans lesquels nos actions sont écrites, le prophète alayhi salam a dit, le croyant sera rapproché de son Seigneur, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, jusqu'à ce qu'il le couvre d'un voile. Hatta yadha'a alayhi kanafahu ay sitrahu ay hatta yasturahu, jusqu'à ce que son Seigneur le voile, et Allah va le faire reconnaître tous ses péchés, et il va avouer, il va lui dire, tu as commis tel et tel péché, et il répondra, oui mon Seigneur, j'ai fait telle chose, oui mon Seigneur, je reconnais. Deux fois. Ensuite, Allah lui dira, je te les ai cachés et couverts dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Alors à ce moment-là, son registre de bonnes actions sera plié. Quant à l'autre, ou le kafir, il sera appelé devant tous les témoins et devant tout le monde. Et il sera dit, ceux-là sont ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Donc, ce qu'on retient du hadith ici, c'est qu'il y a une preuve في هذا الحديث دليل على أن للإنسان صحيفة تسجل فيها أعماله. Il y a une preuve que chaque personne a un registre dans lequel ses actes sont enregistrés. وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب وإما يعطى بيمينه وإما بشماله فلا، وحين يخرج عنق النار. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. Et après il ramène un hadith qui a été jugé faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans lequel Aisha radiallahu anha aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que la personne se rappellera de son ami bien-aimé le jour de la résurrection? Et le prophète alayhi sallam lui aura répondu, ô Aisha, lors de trois situations elle ne s'en rappellera pas. La première, lorsque ses actes seront pesés dans la balance, il ne s'en rappellera pas. La deuxième, c'est lorsque son livre lui sera remis, soit dans la droite ou soit dans la gauche. Et la troisième, lorsqu'un coup sortira du feu. À la kulli hal, ce hadith il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, mais il est jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullah. As-su'al, al-hadi wal-ishurun ba'd al-mi'a, question 121. Et maintenant, on va passer à une autre chose, qui est al-mizan, qui est la balance. Car le jour, parmi les choses qui se passeront le jour du jugement dernier, la balance. Dans lesquelles, on va voir. Ma dalil ul mizan min al kitab wa kayfa sifatul wazn. Quelle est la preuve du Coran qu'il y a une balance? Et quelle est la description, comment a été décrit, ou comment on pèsera? Comment la pesée sera, comment la pesée sera effectuée. Donc, avant d'entrer dans la réponse, يوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala يجعل أو ينصب ميزانا حتى توزن أعمال العباد. وهذا الميزان له كفتان، كفة توضع في عليه الحسنات وأخرى للسيئات. Il faut savoir que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va établir une balance. Il va établir une balance afin que les actes de chaque personne y soient pesés. Cette balance a deux plateaux. Un sur lequel les bonnes actions seront posées et l'autre sur lequel les péchés seront posés. Le but de cette balance, c'est d'établir la justice et de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va être injuste avec personne. طيب. الله عز وجل أجي الجواب قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى أجي on établira les balances en toute justice au jour de la résurrection. Aucune âme ne sera lésée, même si c'est du poids d'un atome, on le fera venir. C'est-à-dire chaque action sera pesée dans cette balance. Et Allah ne va être injuste avec personne. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, et nous suffisons à dresser les comptes. Allah suffit pour dresser les comptes le jour du jugement dernier. Et dans ce verset, on voit qu'Allah a dit, al-mawazin, on établira les balances. Et de là, certains savants ont dit qu'il y aura plus qu'une balance. بعض العلماء قالوا بأنه سيكون يوم القيامة أكثر من ميزان واحد لأن الله أتى بصيغة الجمع. Ils ont dit, comme Allah a dit les balances, il y aura plusieurs balances le jour de la résurrection. Et les autres ont dit, en fait, il y a une seule balance le jour de la résurrection. Et Allah Azza wa Jalla ذكر هنا صيغة الجمع موازين لأن الأشياء التي توزن متعددة كما سنرى. Les autres savants ont dit qu'Allah a dit les balances au pluriel parce que en fait plusieurs choses vont être pesées, mais il y a une seule balance, comme on va le voir dans peu de temps. Et Allah a dit, et la balance sera établie ce jour-là en toute justice. Quant à celui dont les balances seront lourdes, il fera partie de ceux qui ont réussi. Quant à ceux dont les balances seront légères, alors ceux-là auront causé la perte de leur propre personne à cause de l'injustice qu'ils faisaient devant nos versets. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous a dit qu'il y aura une balance et que certains l'auront lourde et d'autres légère. Et ce verset répond à la question كيف صفة الوزن. Ce verset répond à la question du shir Ahmed al-Hakami hafidhahullah, Hafidh ibn Ahmed al-Hakami, dans laquelle il a dit comment on va avoir lieu la pesée. Et on voit que il y aura donc une pesée de laquelle va découler des actes qui sont lourds ou légers. Des actes qui sont lourds ou légers. Wa qala ta'ala fil kafirin, et Allah a dit au sujet des kuffars, فَلَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, et on ne leur donnera ce jour-là aucun poids, c'est-à-dire aucun poids dans la balance. Et de là les savants ils ont dit, ou certains savants ont dit, que les kuffars, on ne pèsera pas leurs actions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'action. Et les kuffars, quand ils vont venir يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Allah Azza wa Jalla a dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجِعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, et on verra les actions qu'ils ont faites ce jour-là, et on les transformera en poussière éparpillée. Donc ils n'auront pas d'action qui vont être pesées. Donc leurs actions, ils ne seront pas pesées. C'est pour ça qu'Allah a dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, et on ne leur donnera aucun poids le jour de la résurrection. طيب السؤال الثاني والعشرون بعد المئة, question 122, ما دليل ذلك وصفته من السنة, quelle est la preuve de la balance, c'est-à-dire qu'il y aura une balance, et quelle est la description de la pesée dans la sunna. Al-jawab, fihi ahadith kathira, beaucoup de hadith, minha hadith al-bitaqa allati fiha shahadatan wa annaha tarjahu bi 99 sijilla min as-sayyi'at kullu sijillin minha maddu al-basar. Premièrement, un hadith qui est connu chez les savants sous le nom du hadith de la carte. Ce hadith, il est authentique, il est rapporté par Ahmed selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le résumé du hadith, le jour du jugement dernier, Allah va sauver un homme de ma communauté. Cet homme-là viendra devant l'ensemble des créatures et il aura 99 feuillets registres, les feuilles dont on a parlé dans la question précédente. Lahu 99 sijillan, as-sijil as-sahifa. Fi kulli sahifa kutibat a'malu. Et dans chaque feuillet tous ces actes sont écrits. As-sijil al-wahid ay as-sahifa al-wahida, ad-diwan al-wahid fi sa'atihi ka'annahu madd al-basar. Chaque feuillet dans sa taille est égal à la portée de la vue. Dans chaque feuillet, tous ses péchés sont écrits. Il y en a 99. Mais toi, dans le désert, tout ce que ta vue peut atteindre, c'est équivaut à la taille d'un seul feuillet. Et cet homme-là va venir avec 99 feuillets comme ça. Et dans chaque feuillet, il y aura écrit tous ses péchés. Cet homme-là, il va penser qu'Allah va le détruire. Alors, Allah va lui faire reconnaître ses péchés. Et il va les reconnaître. Allah Azza wa Jal va lui dire, est-ce que tu as une hasana? Il va lui dire, je n'ai rien. Allah va lui répondre, si tu as une hasana, et aujourd'hui on ne va pas te faire d'injustice. Alors il regardera, il verra une carte sur laquelle sera écrit Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'aucune divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah. Alors Allah lui dira, uhdur waznak, ramène ces choses-là pour les peser. Et il dira, oh Seigneur, qu'est-ce que cette carte va faire devant 99 feuillets? Allah va lui dire, ramène-la pour la peser, aujourd'hui on ne va pas te faire d'injustice. Et là, les 99 feuillets vont être posés sur un plateau et la carte la ilaha illallah sur un autre plateau, et le prophète à la fin du hadith a dit fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqa wa la yadkhulu ma'a ismi llahi shay. Allahu akbar. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? La carte va prendre le dessus, les 99 feuillets vont s'envoler, se déployer, et la carte sera plus lourde, et rien ne sera plus lourd que le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on retient de ça, c'est qu'une personne va venir, elle aura dit la ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala, mais avec la compréhension de cette parole et la mise en pratique de tout ce que cette parole implique. Ce n'est pas que la parole sans la compréhension, ou bien la parole en faisant des choses qui la contredisent. Cette parole, cette personne-là, elle a énormément de péchés desquels elle ne s'est pas repentie. Mais à cause de cette parole-là, et à cause du fait qu'elle n'a pas fait de shirk, qu'elle n'a pas adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va lui dire tu as une hasanat qui va battre tout ça. Et quand on va peser la carte, elle va prendre le dessus sur les 99 feuillets. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Qu'est-ce qu'on tire de ça? Qu'est-ce que vous tirez de ça? L'importance de la ilaha illallah et l'importance de l'ikhlas, de la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit قَدْ يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَبْدٍ بِسَبَبِ حَسَنَةٍ وَاحِدَ عَمِلَهَا وَهُوَ كَانَ فِيهَا مُخْلِصًا إِخْلَاصًا شَدِيدًا فَيَغْفِرُ لَهُ كَبَائِرٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ دُونَ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا. Il a dit, Allah peut pardonner à un serviteur le jour du jugement dernier des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti à cause d'une bonne action qu'il a faite dans laquelle il avait une sincérité immense. C'est-à-dire que quand il a fait cette bonne action, dans son cœur, il y avait le fait et la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand et le plus immense. Son cœur, il était rempli, il était habité par le ta'zimullah, l'immensité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah a vu dans le cœur de ce serviteur cette chose-là, à cause de cette action qui à la base est peut-être une petite action, il lui a pardonné des grands péchés desquels il ne s'était même pas repenti. D'où l'importance d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on tire de ce hadith-là la preuve qu'il y aura une balance le jour du jugement dernier. Et la preuve que cette balance aura deux plateaux, barakallahu fik. Puisque dans un plateau il y aura les cartes, et dans l'autre plateau, qu'est-ce qu'il y aura? Les feuillets. Il y aura les feuillets. Donc il y a deux plateaux. Et on tire aussi quelque chose. Qui est-ce qui va réfléchir? On va peser sur la balance dans un plateau une carte, et dans l'autre plateau des feuillets. Donc on tire. Je vais vous poser une question. On vient d'apprendre qu'il y aura une balance le jour du jugement dernier sur laquelle vont être pesées nos actions. Il y aura une balance le jour du jugement dernier. Je vais vous aider dans la phrase. Qu'est-ce qui va être pesé sur cette balance? Al-hasanat ou sayyat? Al-karim. Il y a des registres qui sont tenus. Là, vous avez dit les actions, les péchés et les bonnes actions. Abdel Karim, il a dit sahaiful a'mal, les registres dans lesquels on a écrit les actions. Quelqu'un a une autre chose à dire ou pas? Non. La question, qu'est-ce qui va être pesé dans les deux plateaux de la balance? Les livres, il vient de le dire. La personne. Là, il vient de dire la personne qui a fait les actes va être pesée. Qu'est-ce qui a raison? Là, on a trois paroles. Soit on va peser la personne qui a fait les actes, soit on va peser les livres où sont écrits les actes, soit on va peser les actes même. Allah, il va leur donner une forme le jour du jugement dernier, et on va les peser. Qu'est-ce qui a raison? C'est moi qui ai la raison. Anta? Mada qult? Hasanat ou sayyi'at? Akid? La personne va être pesée. Le frère, il a dit la personne va être pesée. Et Akhwa, on vient de vous lire un hadith clair. Il y a quoi dans le hadith que vous venez d'entendre? Les feuillets. On vient de dire qu'il y a 99 feuillets dans un plateau et une carte dans l'autre. Donc ça, c'est clair qu'il y a les feuillets qui vont être pesés. C'est tout? Il n'y a que les feuillets qui vont être pesés. Hafé. Il y a écrit dessus. Il y a trois choses qui vont être pesées. La première chose qui va être pesée, c'est les livres où il y a écrit les bonnes actions. La deuxième chose, c'est les gens même qui ont fait les actions. La troisième chose, c'est les actions même. Allah tabaraka wa ta'ala, il va leur donner une forme, il va les peser. Et les savants qui ont dit que quand Allah a dit dans le verset وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ et on établira les balances en toute justice le jour de la résurrection, Allah a dit les balances, pas parce qu'il y a plusieurs balances, il n'y en aura qu'une, mais parce qu'il y a plusieurs choses qui vont être pesées. Et ces choses qui vont être pesées, c'est quoi? Les actions, les livres et les gens. Maintenant, on a besoin d'une preuve. On ne peut pas parler comme ça. Qui a la preuve? La preuve par rapport à la personne qui va être pesée, c'est le Masoud. Le frère il dit la preuve que la personne va être pesée, c'est un hadith avec quelque chose qui s'est passé avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est monté sur l'arbre. Quand il est monté sur l'arbre, ensuite. Après, les compagnons sont montés de. Les compagnons radiyallahu anhum, ils ont rigolé. Sur ses jambes. De ses jambes. Pourquoi ils ont rigolé de ses jambes? Parce qu'elles étaient fines, elles étaient minces. Donc ils ont rigolé. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Il a répondu que ses jambes étaient plus lourdes que la montagne de Houd. Dans quoi? Si on l'a pesé, si on l'a mis. Elles sont plus lourdes dans quoi? C'est ça qui est dans la balance. Il a dit ses jambes sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Houd. Donc il y aura ses jambes dans la balance. Quand? Le jour du jugement dernier. Donc les hommes vont être pesés dans la balance. Et le deuxième hadith, c'est dans lequel le prophète alayhi salam a dit on fera venir l'homme imposant et fort. Il a une grosse corpulence, il est très fort, il est imposant. Il ne pèsera pas le jour de la résurrection le poids de l'aile d'un moustique. Donc il sera pesé cet homme-là. Donc les gens ils vont être pesés. Et maintenant on va voir, justement on va le voir tout de suite. Et parmi les hadiths, wa minha. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أتأي لقصة ابن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. Donc le hadith avec Abdullah ibn Mas'ud, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aux compagnons qui ont ri de la minceur de ses jambes, vous rigolez parce que ses jambes sont fines ou minces. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que ses jambes seront plus lourdes dans la balance que la montagne d'Uhud. Donc ça c'est clair, ses jambes seront dans la balance. Ensuite, wa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam innahu la yu'ta bil rajul al 'azim al samin yawm al qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udha wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yawm al qiyamati wazna wa ghayru dhalika min al ahadith. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on fera venir un homme imposant et à la forte corpulence le jour de la résurrection, et chez Allah il ne pèsera pas le poids de l'aile d'un moustique. Lisez si vous voulez la parole d'Allah, et on ne leur donnera le jour de la résurrection aucun poids. Donc on a vu que ce qui va être pesé sont les actions, les registres et les gens qui ont fait les actes. As-su'al al-thalith wal-ishroun ba'd al-mi'a. Question 123. Et maintenant on passe à nantaqilu la marhalatin ukhra min marahil ad-dar al-akhirah. On passe à une autre étape parmi les étapes de ce long chemin qui aura jusqu'à la fin qui sera soit l'entrée au paradis ou en enfer. Wa hadhihi al-marhala hiya as-sirat. Hiya as-sirat. La sirat al-mustaqim, hada shay akhar. Donc cette étape c'est le pont. Il y aura un pont. Ici il nous dit ma dalil as-sirat min al-kitab. Quelle est la preuve qu'il y aura un pont dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran? Et avant de parler de la preuve du sirat, on doit savoir qu'est-ce que c'est as-sirat. Et les compagnons radiyallahu anhum ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam عندما قال وينسب الجسر على متن جهنم قال يرسل قالوا يا رسول الله وما الجسر parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit on placera un pont au-dessus de l'enfer. Les compagnons ont dit ya رسول الله qu'est-ce que ce pont? Il a dit c'est un pont qui sera placé au-dessus de l'enfer et ensuite وصفه il l'a décrit comme on va le voir dans le hadith. Donc c'est un pont qui sera placé au-dessus de l'enfer et les gens vont venir pour passer traverser ce pont. Certains vont tomber, certains vont passer comme on va lire dans ce hadith tout de suite. Quelle est la preuve qu'il y aura un pont le jour de la Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection? Al-Jawab, قال الله عز وجل وَإِنَّ مِنْكُمْ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Donc surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit et aucun d'entre vous ne va éviter le passage. Aucun d'entre vous ne sera épargné du passage par celui-ci, c'est-à-dire par l'enfer. Aucun d'entre vous ne va éviter le passage par l'enfer. C'est une chose que ton Seigneur a décrété qui arrivera obligatoirement. Après, on sauvera ceux qui ont eu la crainte, ceux qui ont été pieux, et on abandonnera les injustes agenouillés dans l'enfer. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on va tous passer par l'enfer. Et ce verset, il a posé problème aux sahabes radiyallahu anhum. Comment on va tous passer par l'enfer? Il a posé problème à beaucoup. Et la réponse à cette question, c'est que Allah ici nous parle de sirat. Al-maqsoudu fi hadhi al-aya al-ubur ala sirat wa huwa al-jisr al-mamdoud al-mansoub fawqa jahannam. وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ سَيَعْبُرُ هَذَا الصِّرَاطَ. إِمَّا أَنْ يَسْقُطْ إِمَّا أَنْ يَثْبُتْ فَيُجَاوِزُ الصِّرَاطَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'aucun d'entre nous ne va éviter le passage par l'enfer, c'est-à-dire aucun d'entre nous ne va éviter le passage par le pont qui sera placé au-dessus de l'enfer, et soit on tombera ou bien on le traversera. Et ceux qui le traverseront sont ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ils seront différents dans la vitesse à laquelle ils vont traverser ce pont, comme on va voir dans le hadith. Wa qala ta'ala, yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi-aymanihim. Allah a dit dans sourate al-hadid le fait, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière viendra de devant eux et à leur droite. Il y a un problème. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi le shaykh Hafiz rahimahullah a amené ce verset alors qu'ici on ne nous parle pas de sirat, on ne parle pas du pont dans ce verset, on nous dit juste que le jour du jugement dernier tu verras les croyants et les croyantes avec une lumière devant eux et à leur droite. On n'a pas parlé du pont ici. Qu'est-ce qui répond à cette question? Parce que ici il prend ça pour preuve pour parler du pont. Qui répond à cette question? Shérif, cette lumière là c'est l'enfer. Cette lumière-là, c'est l'enfer. Là, on est en train de parler de la lumière des croyants. La lumière des croyants, c'est pas l'enfer. Le jour du jugement dernier, Allah, il va donner une lumière aux croyants. Tawfiq. Laisse-le leur montrer, c'est moi la lumière. Sur le pont, c'est moi lire dans l'obscurité. C'est moi, c'est. Exactement. Les gens qui vont passer sur le pont, ils vont pas voir quand il n'y a pas de lumière, tu vas tomber. C'est. Les gens croyants, c'est moi, ils vont voir de la lumière. Ça leur aide de passer. Exactement. C'est exactement ça la réponse. La réponse, c'est que cette lumière, elle va leur servir à se diriger pour atteindre le pont et pour passer. Allah Azza wa Jalla dans cette sourate, il nous parle aussi des hypocrites. Il va leur donner au début une lumière et après, elle va s'éteindre. Et Allah Tabaraka wa Taala, il va séparer entre eux, il va faire la séparation entre les croyants et les kuffars et les hypocrites. Ils auront plus de lumière, ils seront fait dholomat. Et les croyants, eux, ils auront lumière devant eux à leur droite. Et avec cette lumière, ils verront le chemin à suivre pour aller traverser le pont. Donc cette lumière, elle a un rapport avec le pont. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru kulla qawmin bittiba'i man abadu. Allah azza wa jalla ce jour-là va donner l'ordre à chaque groupe de suivre la divinité qu'il a choisie. فَيَتَوَجَّهُ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى الْإِلَهِ الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et à ce moment-là, chaque peuple va se diriger vers la divinité qu'ils ont adorée en dehors d'Allah. فَلَا يَبْقَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. Il ne restera que les croyants. وَمَعَهُمُ الْمُنَافِقُونَ. Et les hypocrites aussi resteront avec eux. Donc ceux qui vont partir avec leur divinité, où est-ce que leur divinité va les emmener? في الآية فأوردهم النار في فرعون بداية الآية نسيت الله يقدم قومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. Donc ces gens-là, ils vont tous suivre leur divinité en pensant que leur divinité va les sauver de l'enfer et va les secourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que ces gens-là vont suivre leur divinité et les divinités vont les emmener en enfer, dans le feu. Comme Allah a dit au sujet de Pharaon, il va devancer sa communauté le jour du jugement dernier et il va les emmener en enfer. Ensuite, il restera les croyants et les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la lumière aux croyants et va donner aussi aux hypocrites. Et les hypocrites, ils vont penser qu'Allah va les secourir, va les aider. Alors, ils vont dire aux croyants, attendez-nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le surat al-Hadid, ils vont dire aux croyants de les attendre, ou ils vont leur demander de la lumière. Naqtabis min nurikum. Anzuruna. Anzuruna bima'na intaziruna. Lianna hadha ya'ti bima'na intaziruna. Ils vont dire, les hypocrites, ils vont dire aux kuffar, attendez-nous et donnez-nous de votre lumière. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. On leur dira, retournez derrière vous et allez chercher de la lumière. Lorsqu'ils vont aller chercher de la lumière, Allah a dit فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ بِحَاجِزٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Et alors, un obstacle, une porte sera placée entre eux. À l'intérieur de cette porte, là où il y a les croyants, il y aura la rahma. Et de l'autre côté, il y aura le châtiment. Et là, les croyants et les hypocrites, ils vont leur dire, mais pourquoi vous nous attendez pas, on était avec vous, etc. Et on va leur, et Allah Azzawajal, il va leur répondre. Et ensuite, il restera que les croyants. Et qu'est-ce que les croyants vont faire? Après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller traverser le pont. Et de là, on comprend que les seuls qui vont traverser le pont, ce sont les mu'minouns. Et les ulama ikhtalafou fi man alladhi ya'buru as-sirat, hal huwa mu'minun khassa aw ghayru al-mu'minin ya'buruna. Les savants ont divergé, est-ce que autre que les croyants qui sont les kuffars vont aussi traverser le pont pour tomber dans le feu ou non? Et comme on va voir dans le hadith qu'il est clair que les seuls qui vont passer, wallahu a'lam, ce sont les croyants. Donc dans la question 124, السؤال الرابع والعشرون بعد المئة ما دليل ذلك وصفته من السنة. Quelle est la preuve du pont et sa description dans la sunna? جواب فيه أحاديث كثيرة, beaucoup de hadiths. منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مدحضة يعني زلق يعني لا يثبتون عليه مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب الإبل فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث الصحيح. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. الحديث qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on amènera le pont, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, on amènera le pont et il sera placé au-dessus de l'enfer. On amènera le pont qui sera placé au-dessus de l'enfer. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, comment est ce pont ou qu'est-ce que ce pont? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Donc quand il a décrit le pont, il a dit qu'il est glissant et qu'il fait perdre l'équilibre, et sur lequel il y a des crochets, des pinces. Donc ce pont, il est glissant. Les gens, ils arriveront presque pas à tenir l'équilibre dessus. Qu'Allah nous raffermisse dessus. Ensuite, il est glissant et il a des crochets et des pinces. Et il y a une épine qu'on appelle l'hasaka. Et l'hasaka, c'est une épine qui existe à l'heure où on vit, dans la région du Najd, vers l'Arabie Saoudite, vers Riyad, la ville de Riyad. Il y a une plante là-bas qui s'appelle l'hasaka, c'est une plante avec des épines, une plante piquante, que l'on trouve dans le Najd et qu'on appelle Sa'dan. Le croyant passera sur le pont, le croyant à ce moment-là, ensuite il dit, le croyant passera sur ce pont comme l'éclair. Allez, comme salam. Et comme le vent. Et comme le galop du cheval ou du chameau qui est rapide. Donc on voit que les gens, ils vont, il y en a qui vont passer rapidement, il y en a qui vont passer moins rapidement, il y en a qui vont passer très lentement. Car dans l'autre hadith du Sahih Muslim, il nous dit qu'il y en a qui vont traîner, il y en a qui vont courir, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont ramper, il y en a qui vont traîner. Et c'est quoi la chose qui va faire que certains vont courir, d'autres vont marcher? Pourquoi? Hein? Des actions. L'a'mal. Les hasab l'a'mal. وعلى قدر أعمالهم إما يمرون كالبر وإذا كانت أعمالهم أقل يمرون كالريح إذا كانت أقل وهكذا. En fonction de leurs actions, plus leurs actions sont nombreuses, plus ils passeront vite. Et en fait, plus leurs actions elles sont sincères, plus ils passeront vite. Plus leurs actions elles sont correctes et sincères et en conformité avec la sunna, plus ils passeront vite. Et plus leurs actions elles seront dans la désobéissance d'Allah, ou bien mukhalafa, les sunnah, en contradiction avec la sunnah, comme le bid'ah, les innovations, et ben moins ils passeront vite. Jusqu'à ce que certains même vont tomber parmi ceux qui innovent dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va le voir. Ensuite, à ce moment-là, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, et à ce moment-là, les gens se diviseront en trois. Il n'a pas dit ça, mais c'est le sens. Ils se diviseront en trois. Il dit fanajin musallam al-qism al-awwal, la première partie, il y aura des gens, certains seront sains et saufs, échapperont. Alors, certains seront sains et saufs, ils vont être échappés et ils ne vont pas tomber, ils vont pas être griffés, ils vont passer vite grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, wa makhdushun wa najin makhdush an takhdishuhu al-khatatif wal-kalalib. La deuxième catégorie, c'est d'autres échapperont écorchés. C'est-à-dire, ils vont traverser le pont, mais les griffes, elles vont le griffer. Jusqu'à ce qu'il va croire qu'il va tomber, mais Allah Azza wa Jalla yuthabbituhu hatta yujawiz. Il va le raffermer jusqu'à traverser le pont. À cause de quoi il va se faire griffer celui-là? Bisabab as-sayyi'at. À cause de ses péchés. Et avec cette épreuve-là, Allah Azza wa Jalla, il va lui faire payer ses péchés, desquels il ne s'est pas repenti. يُخْدَشُ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ. Allah Azza wa Jalla, par cette chose-là, quand il va se faire griffer et frapper par les griffes et par les pinces, il va lui effacer ses grands péchés avec lesquels il ne s'est pas repenti, pour qu'il entre au paradis. Car on entrera au paradis qu'après qu'Allah nous ait effacé nos fautes. Et ça, c'est pour les gens, les ahl al-tawhid, alladhina lam yushriku billahi shay'a, pour les gens du monothéisme qui n'ont rien associé à Allah. Aw alladhina tabu min ash-shirk wa matu 'ala at-tawba, ou ceux qui se sont repentis du shirk, qui sont morts sur la tawba. Ces gens-là, quand ils passeront sur le pont, s'ils ont fait des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis, et s'ils ont fait des innovations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va leur effacer leurs péchés avec ses pinces, parce que ça va leur faire mal. Faut pas croire que ça ne va pas leur faire mal, au contraire, ça va leur faire mal, et ce mal va leur effacer leurs fautes. Et la troisième catégorie, wa makdusun fi nar jahannam, c'est-à-dire, et d'autres enfin seront jetés dans le feu de la géhenne. Donc la troisième catégorie sont ceux qui vont tomber dans le feu. Ceux qui vont tomber dans le feu, qui sont-ils? Ha'oula alladhina yasqutuna finnar. Mu'minun kuffar. Hada ghalat. Nahnu qulna la yamurru 'ala as-sirat illa al-mu'minun. Ce ne sont pas les kuffars, ce sont des croyants. Qui parmi les croyants? Les madha saqatu finnar. Fasiq. La al-munafiqun naw'un al-nifaq naw'un min al-kufr. Et Akhwa, c'est pas tous en même temps. Celui qui veut répondre, il lève la main. Il lève la main. Zalimoun, les injustes, les gens de la droite, à Islam. Ceux qui ont plus de bonnes, de péchés que de bonnes actions. Alakin, manhum. Jazakallah khairan. Et ils ont fait plus de péchés que de bonnes actions, donc ils vont aller en enfer pour nettoyer leurs péchés et retourner au paradis. Oui. Ils ont fait repentir de ces actions ou pas? Non. Ahl al-tawhid, alladhina lahum kaba'ir wa lam yatubu minha. Les gens du monothéisme qui ont des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis. Donc tu viens de voir que ceux-là, ils vont tomber. Finna. يسقطون في النار وهم من المسلمين من المؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمر عليه المؤمنون وهم يسقطون في النار المؤمنون يسقطون في النار بسبب الكبائر. Donc à cause de leurs grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis, même s'ils sont croyants, ils vont tomber en enfer. فهل يخلدون فيها. Est-ce qu'ils vont rester éternellement en enfer? Non. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On se purifie en enfer. Ils vont payer leurs péchés en enfer. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer. Et ensuite, ils rentreront au paradis. Donc, on vient de comprendre une chose. C'est que, il y a des gens qui vont payer leurs péchés avec le khatatif ou le kalalib. Et ça va suffire pour payer leurs péchés. Avec les crochets et les pinces. Les coups qu'ils vont recevoir, ça va être suffisant pour payer leurs péchés. D'autres qui ont peut-être plus de péchés. Et Allah Azza wa Jal va leur faire payer ces péchés-là avec un nar. Nas'Allah al-najata min al-nar. Nas'Allah al-najata min al-nar. Nas'Allah al-najata min al-nar. Allah nous préserve de l'enfer. Ceux-là, ils vont payer ces péchés en entrant dans le feu et ensuite ils en sortiront pour rejoindre le paradis. وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمْ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا. Jusqu'à ce que le dernier d'entre eux traversera ce pont et il sera traîné, il sera tiré. Et dans un hadith, le prophète alayhi salam nous dit que le dernier qui traversera Sirat, qui traversera le pont, il va être épuisé, ça va durer longtemps. À chaque fois, il va croire qu'il va tomber, ensuite il va pas tomber. Il va croire qu'il va tomber, ensuite il va être fait et il va traverser ce pont. Et imaginez-vous la scène. On n'est pas en train de raconter des histoires là. On est en train de parler ça pour soigner nos cœurs avant tout. On est en train de parler ça pour soigner nos cœurs et pour nous mettre dans cette situation. Est-ce qu'on a des bonnes actions ou pas? Est-ce qu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Cet homme-là, il va traverser ce pont et ça va durer longtemps pour lui. Il va souffrir. Il va croire qu'il va tomber à chaque instant. Et à chaque fois, il va avancer un petit peu. Un peu plus, un peu plus. Jusqu'à ce que quand il va traverser le pont, il va se retourner, il va regarder le feu. Et il va voir le feu en dessous. Il va dire « Alhamdulillah illadhi najjani mink ». Louange à Allah qui m'a sauvé de toi. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا منها. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Donc maintenant on vient de voir comment il est décrit le pont. Le pont, il est glissant, il est plus tranchant qu'une épée, plus fin qu'un cheveu. Et à sa droite et à la gauche, il y a des crochets et des pinces. Donc on voit que c'est pas une affaire facile. وَأَعْظَمُ مَا يُسَبِّبُ نَجَاةَ الْإِنسَانِ تَحْقِيقُ تَوْحِيدِ اللَّهِ ثُمَّ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ. Et la chose qui va donner le plus le secours à la personne ce jour-là, c'est qu'elle concrétise l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes. Que quand elle n'invoque qu'Allah. Quand elle place sa confiance, elle ne la place qu'en Allah. Quand elle craint, elle ne craint que le châtiment d'Allah. Quand elle espère que la miséricorde d'Allah. Son cœur, il n'est accroché qu'à Allah. Elle ne va ni voir les sorciers, ni voir les voyants. Elle ne jure pas par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle ne porte pas de talisman. Elle ne porte pas de gris-gris, de livres, de porte-bonheur et de toutes ces choses-là. Elle n'est accrochée qu'à Allah. Quand elle fait une chose et quand elle fait une cause pour arriver à quelque chose, elle ne s'accroche jamais à la cause. Elle ne s'accroche pas au risque. Elle s'accroche au razzaq. Elle s'accroche au pourvoyeur. Elle dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah m'est suffisant et quel merveilleux garant. Cette parole qui a été dite par Ibrahim a.s. quand on l'a lancé dans le feu. Jibril est venu à lui. Il est venu à lui et lui a dit « Turidu minni haja ?» Alaka minni haja, tu as un besoin de moi? Il a dit amma anta fala. Amma Allah fa hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Quant à toi, je n'ai pas besoin de toi. Quant à Allah, Allah me suffit, quel merveilleux garant. Allah me suffit et quel merveilleux garant. Ibrahim alayhi salam pouvait lui dire oui, aide-moi. S'il avait dit à Jibril aide-moi, est-ce qu'il aurait désobéi Allah? Il n'aurait pas désobéi Allah. Il n'aurait pas fait péché. لو قال إبراهيم لجبريل ساعدني حتى لا ألقى على في النار لما أذنب ولما عصى الله إن لا يقعد زبي الله ولكن لشدة تعلق قلبه بالله عز وجل قال أنا أحتاج إلى الله فقط مي كم son cœur était fortement accroché à Allah سبحانه وتعالى il a dit je n'ai pas besoin de toi j'ai besoin d'Allah فلما كان قلبه متعلقا بالله بهذه الصورة ماذا كانت النتيجة quand son cœur s'est accroché à Allah comme cela, quel a été le résultat? Allah Azza wa Jal amara an-nar an takuna bardan wa salama. Anzur bi sabab at-tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Pas n'importe quelle fraîcheur, parce que des fois à cause du froid, tu tombes malade. Des fois à cause du froid, tu as mal. Mais ce feu-là, il a été frais et paix. C'est-à-dire c'était un frais qui était doux pour Ibrahim. À cause de quoi? À cause du tawhid qu'Ibrahim avait dans son cœur. À cause de l'unicité d'Allah qu'il y avait dans le cœur d'Ibrahim a.s. Et c'est cette chose-là qui va préserver les gens sur le pont. Et c'est cette chose-là que les musulmans ils doivent apprendre et à laquelle ils doivent tous revenir. Question suivante. As-su'al al-khamis wal-ishroun ba'da al-mi'a. Question 125. Ma dalil al-qisas ou al-qasas min al-kitab. Nantaqilu ila marhalatin ukhra. وهي القصاص التي يكون بين الناس. On va passer à une autre étape parmi les étapes du jour dernier qui est le talion. Le talion, c'est que le jour du jugement dernier, chacun va venir reprendre son droit. Chaque personne qui a été victime d'une injustice va reprendre son droit qu'on lui a pris injustement. Et chaque personne qui a été injuste va rendre le droit à la personne qu'elle a offensée et avec laquelle elle a été injuste, et c'est ce qu'on appelle le talion. Et le qisas, هناك قصاص في الدنيا وآخر في الآخرة والمقصود هنا هو الذي سيكون في الآخرة. Il y a deux talions dans les textes du Coran et de la Sunna. Il y a deux talions. Le talion dans ce bas monde et celui de l'au-delà. Et ici, on parle de celui de l'au-delà. Donc, on a compris qu'est-ce que c'est. C'est le fait qu'Allah va rendre les droits à chacun. À un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit dans le hadith, la tu'addanna huquq an-nas kama qala fi al-ma'na hatta la yuqad min ash-shat al-jalha ala mina li-shat al-jalha min ash-shat al-qarna. Al-ma'na, c'est que le prophète alayhi wa sallam a dit chacun va récupérer son droit qui lui a été pris injustement le jour de la résurrection à un point où on fera venir la brebis qui n'avait pas de cornes pour récupérer l'injustice que la brebis qui avait des cornes lui a faite. Les savants ils ont dit Allah il va lui donner des cornes pour lui remettre son coup. Subhanallah. Donc à partir de là on doit tous se remettre en question en vérité. Parce qu'on sait tous qu'on tombe tous dans l'injustice envers les gens, que ce soit avec la langue ou avec nos mains. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Donc, al-jawab, قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذروة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى a dit dans ce verset: certes Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome, s'il a une bonne action, il la double et accorde de sa part une récompense immense. D'où on tire dans ce verset que c'est une preuve. Et من أين أخذ من هذه الآية أنها دليل على القصاص, que c'est une preuve qu'il y aura le talion le jour du jugement dernier et que chacun récupérera son injustice ou son droit qui lui a été pris. Allah a dit dans le verset: إن الله لا يظلم مثقال ذرة, certes Allah ne fait d'injustice à personne, ne serait-ce que du poids d'un atome, s'il a une bonne action, il la double et accorde sa part une bonne récompense. Qu'est-ce qui répond? Naman. Si on fait une injustice et on pardonne, c'est une bonne action, et Allah il nous la récompense en prière. Qu'est-ce qui répond? Certes Allah ne fait d'injustice à personne, fût-ce du poids d'un atome. Ibrahim, il laisse aucune injustice non réglée. Barakallah fik. إذا كان الله لا يظلم الناس مثقال ذرة فمعنى هذا أنه سيرد جميع الحقوق إلى أهلها. Si Allah Azza wa Jalla ne fera d'injustice à personne, on comprend de ça que chaque victime d'une injustice va récupérer son droit. Sinon c'est une injustice, elle s'est fait voler quelque chose, on lui a fait un mal, et elle arrive le jour du jugement dernier, elle ne le récupère pas, et Allah n'est pas injuste. Il ne fera d'injustice à personne. Puisqu'il ne fera d'injustice à personne, tout le monde va récupérer son droit. إذن هذا دليل على القصاص. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إلى قوله والله يقضي بالحق. Et aussi le verset où Allah dit: ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice. Et Allah juge en toute vérité. Et donc ça rentre dans le même registre. Ce jour-là, il n'y aura pas d'injustice. وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Et aussi la parole où Allah dit: on décidera parmi eux en toute justice et ne seront pas lésés. Donc si Allah va décider entre chaque personne en toute justice, ça veut dire que chaque personne va récupérer son droit qui lui a été pris le jour de la résurrection. Et on continuera la suite la semaine prochaine inshallah. نسأل الله تعالى التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.